إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. متفق عليه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: يحرم ابن آدم، donc le fils d'Adam, donc l'être humain vieillit. Et est toujours jeune, deux choses. Il y a toujours jeune, il y a deux choses qui se rajeunissent toujours. Al-hirsu al-mal, l'avidité des biens. Toujours avoir envie, avoir toujours envie d'avoir plus d'argent, plus de biens. Al-hirsu al-umur, et l'avidité sur l'âge. Donc de vivre toujours le plus vieux possible. Muttafaqun alayhi, il est rapporté donc par les deux imams Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahihs. Alhamdulillah. Maintenant, Inch'Allah, nous allons prendre le cours de fiqh. Et nous étions dans le livre de la zakat. Et bien sûr, nous étudions toujours le livre qui s'appelle Mukhtasaru Abi Shujar de l'imam Abu Shujar, rahimahullah, dans le fiqh al-Shafi'i. Donc, l'imam Abu Shujar, rahimahullah, dit pour la quatrième, le quatrième pilier, Ar-Rukn Ar-Rabi'a. Je vais reciter, Inch'Allah, les trois premiers piliers, sans donner toutes les indications que j'avais données hier, d'accord, que j'avais développées. Ça a pris du temps, donc là, je ne vais pas redévelopper les trois premiers piliers, mais juste les reciter comme l'imam Abu Shujar, rahimahullah, a dit, sans plus. Donc, il a dit, Wa arkanu al-hajji arba'atun. Et les piliers du Hajj sont 4, sont au nombre de 4. Al-Awwal, le premier pilier, Al-Ihram Mu'anniya, Al-Ihram avec l'intention. Et en fin de compte, l'Ihram, comme on l'avait bien dit hier, c'est l'intention même. Al-Ihram, c'est l'intention même, c'est pas le vêtement. Donc l'intention de rentrer dans en Hajj. Al-Thani, donc le deuxième rukn, le deuxième pilier, Wal-Wukuf bi-Arafah, le fait de rester, de demeurer, ne serait-ce qu'un instant, à Arafah, à cet endroit qui s'appelle Arafah, avec toutes ce que j'ai mis comme indication, d'accord, souvenez-vous, C'est à quel jour? Donc, c'est au 9e jour du Dhul Hijja, d'accord? À partir de quelle heure j'ai quelle heure? Je ne vais même pas répéter tout ça, ça prend trop de temps. Barakallahu fikoum. Rukn Thalis, donc le troisième rukn, Wattawafu bil Bayt, le fait de tourner autour de la maison. C'est-à-dire, le Bayt ici, la maison, c'est la Kaaba, d'accord? Avec toutes les indications que j'ai données hier aussi. Maintenant, on va prendre le quatrième rukn, le quatrième pilier du Hajj. Et il faut bien sûr, comme je répète, avoir ces quatre piliers pour avoir un Hajj valide. D'accord? Si un de ces quatre piliers n'est pas présent, le Hajj n'est pas valide. D'accord? La personne n'a pas fait le Hajj. Quatrième pilier, Was-sa'yu bayna as-Safa wal-Marwa. Et donc le fait d'évoluer, donc on va dire marcher, d'accord, entre ce qu'on appelle Safa ou Al-Marwa. Ce sont deux petites montagnes, deux petits monticules, deux petites dunes, d'accord. Ceux qui sont y allés, ils ont vu normalement. Donc il faut faire le sa'i entre le Safa et Al-Marwa. Là, on va lire une annotation, Inch'Allah, pour le Safa ou Al-Marwa. Je vous lis une annotation que j'ai écrite. Shurut sihhati sa'i. Les conditions pour que le sa'i, d'accord, cette marche, soit valide. An-niyya ka kulli 'ibada. Il faut l'intention comme toute adoration. L'intention, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui se promène entre Safa et Marwa, tiens, c'est joli, il se promène. Il va se promener cette fois comme ça entre les deux petites montagnes. Et qu'après, il dit, tiens, bah, en fait, j'ai marché entre les deux petites montagnes, mais ça, l'intention, c'était pas pour une adoration, c'était juste pour se promener, par exemple, pour regarder comment c'était. Il faut l'intention, que c'est une adoration. On fait ça pour le Hajj, d'accord? Il faut Adniya. Comme pour le Wukuf à Arafat, comme pour le fait de rester à Arafat ou de tourner autour de la Kaaba. Il faut l'Adniya, que ce soit une Ibadah, d'accord? Sab'atu ashwat, il faut 7 ashwat, 7 allées et venues. Ou plutôt, je vais pas me dire, excusez-moi, c'est peut-être pas allées et venues qu'il faut dire, il faut 7 parcours entre Safa et Marwa. Et vous allez voir à partir de quand ça commence maintenant. Et en fin de compte, quand on dit 7, c'est pas 7 allers-retours, mais c'est 7, comment dirais-je, 7 fois la distance entre Safa et Marwa, d'accord? C'est pas 7 aller-retour, parce que 7 à 7 aller-retour, ça ferait 14 ashwat, d'accord? C'est 7. En commençant, comme Allah Azzawajal a commencé, donc on a cité, Al-Niyabda bis-Safa wa yahtim bil-Marwa, en commençant par la Safa et en finissant à Marwa, d'accord? Donc il faut d'abord aller à l'endroit qui s'appelle la Safa, qui est une toute petite montagne, même en français on appelle par une montagne, une petite dune, vraiment une petite toute petite colline. On va à cet endroit et après on va à Safa. On a fait un parcours et il faut en faire 7. Donc on va revenir après de Marwa, on va revenir à Safa, ça va faire 2. Après de Safa à Marwa, ça va faire 3, etc. Jusqu'à ce qu'on fasse 7 parcours. C'est pas 7 aller-retour, hein. C'est 7 parcours. Comme j'ai écrit, en fait, le fait d'aller, donc de faire Safa à Marwa, c'est un parcours, et le fait de, on a déjà fait un, donc de Marwa à Safa, c'est un deuxième. Il faut faire comme ça jusqu'à ce qu'on atteint 7 parcours. Ensuite, Anyakun fil Mas'a, c'est que cette marche soit faite dans ce qu'on appelle Al-Mas'a, c'est l'endroit justement où on fait ce parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller à l'extérieur de la mosquée, par exemple, loin. Et on fait une estimation que c'est à peu près le Safa est à peu près cet endroit et Marwa cet endroit, et puis on marche. Non, il faut que ça soit fait là où il y a Safa ou Marwa. Si c'est à l'étage, c'est bon, Inch'Allah, d'accord, parce que c'est au-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas le faire à l'extérieur, ailleurs. Ensuite, Al-Mu'ala. Al-Mu'ala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. Comme pour la prière, comme on a vu aussi pour le Tawaf. C'est-à-dire qu'une personne qui fait Safa al-Marwa, puis qu'après, une fois arrivé à Marwa, il dit, bah tiens, je vais aller manger, et après il revient, et puis il finit 6 parcours, et ben non, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse 7 parcours, d'accord, sans qu'il y ait d'interruption. Comme pour le Tawaf, si jamais une prière obligatoire qui est en plein milieu et qu'il ne peut pas continuer, et ben il reste l'endroit où il est pour faire sa prière obligatoire, une fois que la prière obligatoire, il se lève et il continue, d'accord. Ensuite, on a vu, bon, ici, on a fini, alhamdoulilah, les quatre rukn, les quatre arcanes, les quatre piliers du Hajj, par lesquels le Hajj n'est pas valide, dans le Mazhab Shafi'i, comme l'a dit l'imam Abu Shuja, rahimahullah. Je vais maintenant ajouter certaines choses. Al-mashhur fi al-Mazhab Shafi'i an al-haq wa al-taksir rukn. La chose connue dans le Mazhab Shafi'i, d'accord, dans le Mazhab qu'on étudie sur ce petit là, c'est que le al-haq wa al-taksir rukn et que le fait de se raser ou de raccourcir les cheveux, d'accord, c'est un rukn, d'accord. C'est pour ça que dans certains livres, dans le fiqh Shafi'i, vous trouvez qu'il y a 5 arcanes, 5, et ils mettent le fait de se raser ou de se raser ou de, comment dirais-je, de raccourcir ses cheveux, c'est un rukn, d'accord. Et aussi une chose, kaza tartib mu'zamil arkan bien yakum al-ihram ala al-jami' wal-wukuf ala al-tawaf wa tawaf ala al-sa'i. Et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en considération, qu'on peut même mettre en tant que rukn, en tant que pilier, c'est que quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait un tartib à comment dire, à observer. Un tartib, c'est-à-dire un agencement, d'accord? Il y a un ordre à observer dans la grande majorité des arcanes des piliers qu'on a cités. C'est-à-dire qu'il faut que l'ihram à la jamia, il faut que l'ihram soit fait en premier. Donc l'intention qu'on fasse le hajj soit en premier. Parce que si la personne va au monde de Arafat qui n'est pas muhrim, qui n'a pas fait l'ihram, comme je l'ai déjà dit, ça, il est bien, le hajj, le wukuf bi Arafat n'est pas valide. Donc il faut faire avant tout le premier rukn qu'il faut faire avant tous les autres, c'est l'ihram. En plus, il faut faire, après, il faut faire il faut aller à Arafat avant de faire le tawaf. Si on fait le tawaf avant Arafat, ce n'est pas bon. Et certains disent aussi qu'il faut faire le tawaf avant le sa'i. Il faut faire le tawaf avant le sa'i. Si on fait le sa'i avant le tawaf, ce n'est pas bon. D'accord? Et il y a certaines paroles pour ça. Inch'Allah, on va revenir par rapport à cela, Inch'Allah. Là, on va continuer, Inch'Allah. Donc, Imam Abu Shujar rahimahullah a dit, et les piliers de la Umrah sont au nombre de 3. Donc maintenant, on va rentrer dans la Umrah, dans les piliers de la Umrah. Ils sont au nombre de 3. Le premier, Al-Ihram. D'accord? Donc, le fait d'avoir cette intention de rentrer en Umrah. Le deuxième pilier, Al-Tawaf. D'accord? Le tawaf autour de la maison, comme avec les mêmes obligations et restrictions qu'on a étudiées hier pour le tawaf dans le Hajj. Troisième pilier, as-sa'i. Le sa'i, donc le sa'i entre Safa ou Marwa, le fait de le faire les 7 parcours entre Safa et Marwa, d'accord? Avec les mêmes conditions qu'on a vues pour le Hajj. Seulement ça, c'est pour la Umrah. Ça, ce sont les 3 piliers pour la Umrah. Ensuite, l'imam Abu Shuja a dit والحك والتكسير في أحد القولين. Et là, Abu Shuja, il le dit que dans la Umrah, il dit quoi? Que le fait de se raser ou de raccourcir les cheveux, c'est aussi un rukn في أحد القولين dans une des deux paroles. Dans une des deux paroles qu'on trouve dans le Madhab al-Shafi'i. D'accord? C'est une des deux paroles. Parce que dans une parole, le fait de raccourcir les cheveux ou de se raser, c'est un rukn, c'est un pilier, et dans l'autre parole, c'est un wajib. Dans l'autre parole, c'est un wajib, donc c'est obligatoire, ce n'est pas un pilier. Donc si la personne ne fait pas le taksir, eh bien son hajj est valide, seulement il a fait un péché en ne se rasant pas. Ensuite, l'imam Abu Shuja a dit wajibatu al-hajj ghayr al-arkan thalathatu ashiya. Les obligations, maintenant on a fini les piliers, d'accord? Comme je l'ai dit, soit si un pilier n'est pas, le hajj n'est pas valide. C'est clair. Maintenant, On va parler des wajibat ou le hajj, des obligations du hajj. C'est en dessous des piliers, c'est-à-dire qu'ils sont obligatoires. Mais si la personne ne le fait pas, eh bien, le hajj est valide, mais il y a un péché. Comme le dit l'imam Abu Shouza, wajibat ou le hajj, raïl al-arkan, et les obligations du hajj qui ne sont pas les piliers, salasatu ashya, sont trois choses. Le premier wajib, al-awwal, al-ihram min al-miqat, le fait de faire l'ihram, ou de rentrer en sacralisation, d'avoir cette niya de rentrer en sacralisation, d'accord, à partir de ce qu'on appelle al-miqat, d'accord. Et là, on va étudier ce que c'est que al-miqat, inshallah. Et on va prendre la parole de l'imam al-Ghazi, rahimahullah. Al-ihram min al-miqat as-sadiqi bil-zamani wal-makani. Donc, et là, il nous dit l'imam Razi qu'il faut que l'ihram soit fait parmi l'ihram soit fait à partir de al-miqat, ce qu'on appelle al-miqat, qui est véridique, entre guillemets, par rapport au temps et à l'endroit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que al-miqat, il y a deux miqat. Il y a un miqat qui est par rapport au temps, à l'année, et un autre miqat qui est par rapport au lieu. C'est-à-dire que vous allez dire que c'est par rapport à une date précise dans l'année, des dates précises dans l'année qu'on peut faire rentrer en ihram, et c'est quand on va à la Mecque, c'est à partir de lieux précis. Donc il y a deux sortes de miqat. Les miqat par rapport au Hajj, c'est Asharul Hajj, c'est les mois du Hajj, qui sont Shawwal, Dhul Qa'dah, Asharul Ula min Dhil Hijjah. D'accord, donc c'est au mois de Shawwal, c'est le mois après le Ramadan, de Dhul Qa'dah, donc du mois qui s'appelle Dhul Qa'dah, qui est après le mois de Shawwal, et ensuite les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours donc de Dhul Hijjah, d'accord. Ça, c'est pour le Hajj. Donc il faut rentrer en sacralisation dans ces mois-là. Maintenant, quels sont les Hajj, quels sont les mois pour rentrer en sacralisation pour la Umrah? Kullu sanatin miqat et la Umrah. C'est-à-dire que toute l'année, c'est un miqat pour faire la Umrah. C'est-à-dire que pour faire la Umrah, on peut y aller n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de l'année, et avoir l'intention à n'importe quel moment de l'année pour faire une Umrah. Ce n'est pas à des mois précis qu'il faut commencer à avoir cette intention. Ensuite, ça c'est pour... Donc il n'y a pas de problème pour la Umrah, c'est seulement pour le Hajj, il faut avoir l'intention, rentrer en Ihram dans les mois qu'on a vus, Shawwal, Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, d'accord. Si la personne ne rentre pas en sacralisation dans ces mois-là, cités pour le Hajj est valide, mais il n'a pas fait un wajib, donc il a fait un péché. Mais le Hajj est valide, d'accord. Et pour la Umrah, comme je répète, c'est à n'importe quel moment de l'année, on peut faire l'intention de rentrer une Umrah, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler des miqat qui sont par rapport au lieu. À partir de quand, à partir d'où, pardon, pas de quand, mais d'où, on rentre en ihram. Al-mawaqit, mawaqit, c'est le pluriel de miqat. Al-mawaqit al-makaniya khamsa. Les lieux où, à partir de ces lieux-là, on doit se mettre obligatoirement en ihram, quand on veut aller à la Mecque pour le Hajj, sont au nombre de 5. D'accord? Sont au nombre de 5. Je ne vais pas les citer ici, parce que je n'ai pas de tableau, parce que là, il faudrait voir sur un tableau, c'est un petit peu compliqué comme ça ici. Et normalement, comment dirais-je? C'est par rapport, donc, si la personne vient de l'Est, de l'Ouest ou du Sud, etc., il y a un moment donné, il ne faut pas qu'il dépasse cette limite. Sans qu'il ait l'ihram. S'il a dépassé cette limite pour entrer pour aller au Hajj, donc il va faire l'ihram après avoir dépassé, on va dire, cette frontière. Et s'il n'a pas fait l'ihram à cette limite-là ou avant, donc il est rentré, il a dépassé cette frontière et qu'il n'a pas fait l'ihram, eh bien il a pas fait un wajib, une obligation. Sans Hajj, il est bon, c'est pas la peine qu'il retourne. On ira au miqat, son hajj bon, mais il a délaissé son wajib et donc il a fait un péché parce qu'il a fait l'ihram après être rentré, après avoir dépassé le miqat. D'accord. Ça c'est pour le premier wajib. c'est faire l'ihram à partir du miqat. Alors certains maintenant pourront dire, mais comment ça se fait que là on ne parle pas du fait que c'est obligatoire de porter des vêtements qui ne sont pas cousus? Alors c'est pas une obligation, mais ça rentre dans le contraire d'obligation, c'est ce qu'on va voir inshallah dans les al-mahdhurat, les interdictions. C'est interdit, c'est pas le fait que ça c'est pas en fin de compte obligé de porter des vêtements qui sont pas cousus, bien que ça inclut, mais on dit que c'est une interdiction de porter des vêtements qui sont cousus. On va voir ça inshallah. Donc c'est pas qu'on rentre pas ça dans les wajibat, mais dans le mahdhurat, dans les interdictions. Et celui par exemple qui rentre, comme je vous l'ai dit hier, qui rentre avec dans une niya de ihram et qui porte toujours un pantalon, une veste et tout ça, et qui par exemple il fait une interdiction comme le fait de se couvrir la tête, ça c'est pour les hommes, hein, parce que pour les femmes elles n'ont pas ça. Ou qui se parfume alors qu'il est interdit ihram, ça c'est pour l'homme et la femme. Il fait donc des mahdhurat, des interdictions, mais cette interdiction-là n'annule pas le hajj. Ça fait des péchés, quoi, mais ça n'annule pas le hajj. Deuxième obligation, le fait de lancer donc des cailloux, donc de viser, de lapider, entre guillemets, les trois stèles, les trois poteaux qui se trouvent à un endroit qui s'appelle Mina. Alors, là on va rentrer un petit peu, on va détailler un petit peu c'est quoi, c'est quand qu'on, et qu'est-ce qu'on jette, et c'est où et quand. بأن يرمي يوم النحر جملة العقبة الدنيا من مكة. C'est que, c'est-à-dire le jour de Nahr. Alors, si je vous demande c'est quand le jour de Nahr, Yom Nahr, le jour du sacrifice, normalement vous devez tous me répondre, c'est le jour qui est après Arafah, donc c'est le 10e jour du mois Dhul-Hijjah, qui correspond à le jour de Al-Aïd, le Salat Al-Aïd, d'accord? Donc, ce jour-là, quand le Hajj arrive à Mina, qu'est-ce qu'il fait? Il va jeter des pierres sur une seule stèle, un seul poteau, d'accord? C'est pas sur les trois, c'est qu'un seul. Et il va jeter la pierre sur ce qu'on appelle Jamalat al-Aqaba, sur ce poteau qui s'appelle Jamalat, sur cette stèle qui s'appelle al-Aqaba. Et c'est quoi? C'est Ad-Dunya min Makkah, c'est le poteau qui est le plus proche de la Mecque, et donc qui est le plus éloigné de Arafat. C'est-à-dire que quand on arrive de Arafat, et de Muzdalifa, parce qu'on quand on est à la fin, on passe par Muzdalifa. Et j'ai pas cité Muzdalifa dans la CAN, car là on a vu dans le Mazhab Shafi'i, c'est dans la majorité, dans la quasi-totalité des savants, le fait de rester à Muzdalifa, ce n'est pas un rukn. C'est les Zahiya qui disent ça. J'en ai pas parlé, hein. Donc quand on sort de Arafat, qu'on a fini de rester à la fin, on passe par Muzdalifa et après on va à Mina. D'accord? Et à Mina, donc le jour de Nahr, eh bien on va jeter des pierres sur une seule stèle, un seul poteau, qui est la stèle la plus loin de Arafat. Donc quand on arrive de Arafat, c'est pas la première, mais la deuxième, mais c'est la troisième, et c'est celle qui est la plus proche de la Mecque. Et il jette quoi? Il jette Sabat Hasayat, il jette sept cailloux, d'accord? Il va pas jeter des pierres de 2 kilos, ça, en plus il pourrait blesser quelqu'un, c'est très dangereux. Il y a d'ailleurs des accidents là-bas par rapport à ça. Et le fait, c'est bien sûr, ce n'est pas de jeter de toutes ses forces les petits cailloux. On peut blesser quelqu'un. C'est de faire parvenir la pierre dans l'endroit où il y a la stèle, le poteau. D'accord? Ensuite, ça c'est le jour, c'est le 10e jour, je répète, c'est le 10e jour de Dhu al-Hijjah, du shahr, du mois qui s'appelle Dhu al-Hijjah, parce que le 9e jour c'est Arafat, et le 10e jour on est à Mina, et à Mina on va jeter les 7 cailloux sur la stèle qui est la plus proche de la Mecque, et donc la plus éloignée de Arafat, d'accord? Il en jette 7. Ça c'est le 10e jour. Ensuite, les 3 autres jours qui arrivent après, donc c'est le 11e, 12e et 13e jour, ce sont les jours qu'on appelle Ayyamut Tashriqa. Ayyamut Tashriqa. Ce sont les jours donc qu'on appelle At-Tashriq. Alors pourquoi sont appelés ces jours At-Tashriq? Sharraqa, c'est par rapport à un verbe, c'est un verbe qui consiste à la viande, on la découpe et on la laisse sécher au soleil afin de la qu'elle se conserve longtemps. Et pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Parce que donc le jour de Nahr, donc du sacrifice, et ben, les musulmans qui faisaient le Hajj et sacrifie beaucoup de bêtes, et donc il y a beaucoup de viande. Comme vous savez, surtout à l'époque, avant, il n'y avait pas de frigidaire, tout ça, ils ne pouvaient pas tout manger d'un coup et autres. Donc il fallait là bien la conserver. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils coupaient la viande en morceaux, ils la laissaient cuire au soleil, d'accord, sécher au soleil, et pour qu'elle se conserve plus longtemps. Cette action-là, de mettre la viande en morceaux et de la laisser sécher au soleil afin qu'elle se conserve, ça s'appelle tâcher. Donc c'est les 3 jours qui sont venus après, ça, ils ont les appelés les ayam ou tâcher, les jours du tâcher, parce que c'est dans ce jour-là qu'ils laissaient les viandes sécher au soleil. Donc, on a vu que le 10e jour, il va jeter 7 cailloux sur une seule stèle, d'accord? La stèle qui est la plus proche de la Mecque. Et dans les 3 jours qui viennent après, donc le 11, le 12 et le 13, il va jeter là 7 cailloux sur chacune des 3 stèles. Donc, en fin de compte, 3 fois 7, 21 cailloux. Et donc, pour chaque stèle, il va jeter 7 cailloux. D'accord? Et donc les 3 jours qui viennent après, il va jeter les 7 pierres sur les 3 stèles, Bada Zawal, après le Zawal, après le zénith. D'accord? Donc quand on commence l'heure de Zor, il commence à jeter les pierres, pas avant, pas dans la matinée. Bissab Asayat, donc avec 7 pierres, chaque stèle, pour chaque stèle, 7 pierres. Yabdaoubil Oula, Thumanoustad, donc il commence par la première stèle. Donc c'est quoi la première stèle? C'est la stèle qui est la plus proche de Arafat, donc la plus éloignée de la Mecque. Ensuite, la stèle du milieu, et ensuite Al-Aqaba, c'est-à-dire il finit par la troisième stèle qui est celle qui est la plus proche de la Mecque. Ensuite, la Bouda'an, d'accord, Al-Hafsatu fi Haoud Al-Jamra. On ne peut échapper, donc il faut absolument quoi? Que le caillou tombe dans le bassin de la stèle. Parce que, si vous n'êtes pas allé, il y a la stèle, il y a le grand poteau, et en bas, il y a un muret qui entoure le poteau. Ça fait comme un bassin, il n'y a pas d'eau, hein, bien sûr. Ça fait comme un bassin. Il faut que la pierre rentre dans ce bassin, d'accord? Il faut qu'elle atterrisse ici. Et même si elle ressort de ce bassin après, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle atteigne cet endroit-là, à l'intérieur, d'accord, là où il y a le poteau, et même si elle sort, mais elle rebondit et puis qu'elle sort, c'est bon. Mais il faut qu'au minimum, elle passe par cet endroit, par ce bassin, d'accord? C'est là où il y a un petit muret, comme je vous ai dit, où il faut jeter les pierres. Il y a la stèle qui est en plein milieu, donc on vise la stèle, mais il faut que ça tombe dans le bassin, même si elle ressort du bassin, elle ricoche ou quoi, elle sort du bassin après, c'est bon. Ensuite, sachez que l'amoud, donc le pilier, la stèle, la jamra, qu'on voit, elle a été construite, les trois ont été construites comme indication à la jamra. D'accord? Et ce n'est pas la chose voulue. Le fait de viser le poteau, absolument toucher le poteau, ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que la pierre aille dans le bassin. D'accord? Et le poteau, c'est une indication. Le fait de jeter donc les 7 pierres le jour de Nahr, donc le 10e jour, là où on jette les pierres quand on arrive de Mousdalifa, quand on jette les pierres sur une seule stèle, d'accord? Le jour de Nahr. À partir de quand? C'est pas à partir du Zawal, pas à partir du Zénith, là, mais c'est à partir du Toulour et Shams. C'est à partir de quand le soleil s'est levé. Donc à partir du Shuruq. D'accord? Pas à partir du lever du Fajr, mais à partir du soleil. Quand une fois que le soleil s'est détaché de l'horizon, donc le soleil s'est commencé à se lever, là on peut commencer à jeter les 7 pierres sur Jamat al-Aqaba. D'accord? Ça c'est le 10e jour. Il a akhir nahar jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la journée. An-Nahar, la journée, c'est-à-dire jusqu'à l'heure, un petit peu avant l'heure du Maghreb. D'accord? Jusqu'à l'heure du Maghreb. Warami Amin Tashrik, Mizawal, il a Ghuroub. Et par contre, comme on a vu, pour les 3 jours qui sont après, donc là, les 3 jours qui sont après, on jette 7 pierres sur chacune des 3 stèles. Et là, c'est à partir, comme on a vu du Zawal, à partir du zénith, donc on va dire à partir de l'heure, parce que l'heure de Zohr commence juste un petit peu après le zénith, jusqu'au Ghouroub, jusqu'à donc que le soleil aussi soit couché. Et wa yukra idha akharahu ila al-layl, wa qabl al-fajr, et il est makrouf, c'est-à-dire que c'est pas haram, mais c'est détesté, c'est pas bon, de jeter les pierres dans la nuit, bien sûr, avant le fajr d'avant, qui vient après. Hein. C'est-à-dire que le fait de jeter les pierres sera valide, mais c'est makrouf, c'est une chose qui n'est pas bonne, mais ce n'est pas haram, ce n'est pas, donc c'est pas haram, il n'y a pas de péché, mais ce n'est pas. C'est pas le mieux, hein. C'est même déconseillé de le jeter pendant la nuit. Mais bien sûr, il faut que ça soit avant l'heure, avant l'entrée de l'heure du Fajr. Il est déjà 21h02, il manque plus que l'Al-Halq. Bon, on finira Inch'Allah demain la troisième obligation qui est al-haq ou al-taqsir, donc le fait de se raser ou de couper un petit peu tous les cheveux. On le fera demain Inch'Allah. Maintenant, je vais vous laisser l'écriture Inch'Allah. Si vous avez des questions. Les quatre piliers qui étaient tels que les a cités l'imam Abu Ashura, rahimahullah, qui est donc Al-Ihram, d'accord, ou Al-Niyad fin Nusuk, donc c'est l'intention de rentrer dans la circulation, le Wukuf bi Arafa, le fait donc de rester à Arafa, le Tawaf, ce qu'on appelle Tawaf Ifarda, et le Sa'i bin Safa al-Marwa, ces quatre piliers, c'est comme pendant le Madhab al-Hanbali, généralement, c'est dans le Madhab al-Hanbali aussi, ils ont ces quatre piliers. Dans le Madhab Maliki et Hanafi, un peu différent, mais vous trouvez normalement ces quatre piliers dans le Mazhab al-Hanbali. J'ai une question plus générale sur le fiqh, pas spécialement sur là, je peux la poser. Oui, si elle n'est pas trop longue, d'accord, Inch'Allah. Apparemment, il n'y a pas trop de monde qui pose des questions sur le fiqh. Oh, alors, les musulmans n'ont fait invalide l'acte. Les besoins n'amènent pas l'acte, mais la personne commet un péché. Et les sunnas sont des sunnas sur la Torah. Est-ce que ces règles sont liées dans le fiqh ou sont... Non. Non, c'est le règle de pilier d'obligation et de sunnat, comme c'est ça, c'est-à-dire qu'un pilier, ça invalide l'acte, d'accord. Et le wajib, ça n'invalide pas l'acte, mais ça fait un péché. Et la sunna, ça n'invalide pas et ça ne fait pas de péché, mais on perd seulement une bonne action. Je vais prendre par exemple dans le Mazhab al-Hanbali. Dans le Mazhab al-Hanbali, on utilise ces trois termes aussi dans la prière. Il y a les arkan, les wajibat et les sunnan. Et il faut savoir, donc il faut bien faire, faut faire bien attention à ces termes. Ce n'est pas exactement pareil dans le Hajj que dans la prière. Je m'explique. Quelqu'un qui ne fait pas un wajib dans le Hajj, d'accord, dans le Mazhab al-Hanbali, il va faire tous ces quatre arkan, mais il y a des wajibs qu'il ne va pas faire. Son Hajj, il est valide. D'accord, même s'il ne fait pas les expiations, d'accord, son hajj il est valide, mais il a fait des péchés. Dans la prière, c'est autre chose. Quelqu'un qui ne fait pas un rukn, un pilier, sa prière, elle est invalide, d'accord. Mais comme on l'a déjà vu, il va refaire une araka pour la récupérer, s'il a pas fait, donc il n'est pas obligé qu'il sorte de la prière. Et pour un wajib, s'il l'a fait involontairement, il a laissé un wajib par oubli, involontairement, donc là, sa prière est valide, et, mais à la fin, il faut qu'il fasse le sujoud de suhu, d'accord, le sujoud de l'oubli, bien qu'il y en a certains qui disent que ce n'est pas obligatoire, c'est sunna, mais, attention, dans le Mazhab al-Hanbali, soit qu'il laisse volontairement un wajib dans la prière, sa prière, elle est invalide. Alors que dans le hajj, soit qu'il fait volontairement qui ne fait pas un wajib volontairement, son hajj il est valide. Donc il faut faire attention, d'accord, entre telle adoration, telle raison, quand on dit arkan, wajibat, wasunan, les règles peuvent changer. Voilà. Pouvez-vous redonner la définition de al-miqat? Oui. Alors, al-miqat, comme on dit, il y a deux miqat. Il y a un miqat qui est par rapport à l'espace, d'accord? Donc par rapport au lieu, et l'autre miqat, c'est par rapport au temps. Et je vais prendre, Inch'Allah, j'ai pas fait, là, je vais vous le faire, Inch'Allah. Le mot miqat avec un mim, un ya, un kaf, miqat et un alif, d'accord? Et un ta. Miqat. Ça vient de quel mot? En fin de compte, ça vient du mot waqt. D'accord? Et waqt, ça veut dire le temps. Et le mim de miqat, normalement, c'est miuqat. Miuqaout. D'accord? Mais là, ça ressemble notamment dans surf, on ne peut pas dire miu. Donc, le wa il s'en fait en ya, ça fait miqat, d'accord? Et on ne pouvait pas dire mi, ça fait miqat. Et le mim, c'est le mim. En fin de compte, on va mettre, c'est le mim qui va servir ici, bien que normalement ça aurait été un maftour. C'est l'outil, mais qui va servir à savoir par le temps ou par l'espace. D'accord? Miqat. C'est l'endroit. Où, voilà, c'est l'endroit à partir de quand, et il y a une had, il y a une limite qui est mise, ou un lieu où la limite est mise. Alors, on va commencer par al-miqat, qui est par rapport au temps. Le plus simple, c'est la umra. Le miqat, ben, quand est-ce, à partir, dans quel moment de l'année lunaire, dans quel mois de l'année lunaire, je peux commencer à rentrer dans une ihram, d'accord, en sacralisation. Et ben, dans chaque jour de l'année, il n'y a pas de problème, d'accord. Chaque jour de l'année, un musulman ou une musulmane peut faire la umrah. Entre parenthèses, ceux qui habitent à Mekka n'ont pas de umrah à faire. Donc ça, le miqat de la umrah, par contre, c'est toute l'année. En fin de compte, concrètement, on peut me dire qu'il n'y en a pas, comme on peut dire qu'il y en a un, mais c'est chaque jour de l'année lunaire, il n'y a pas de problème. Et la umrah, ça dure. C'est quelqu'un qui ça dure pas longtemps. Il peut la faire, enfin ça ne dure pas longtemps, ça dépend si à partir du moment où il fait l'Ihram, on va dire qu'il vient de Médine, juste à la sortie de Médine, il y a le miqat là qui est el makani, de lieu, donc à partir de ce lieu-là, il va rentrer en Ihram, donc il aura tout le trajet qui peut durer plusieurs heures, s'il va en bus par exemple, jusqu'à la Mecque, mais une fois à la Mecque, il n'y a pas grand-chose à faire dans la Umrah, d'accord, il faut juste qu'il fasse le tawaf pour que la Umrah soit valide. Qui fasse le tawaf, qui aille après le tawaf, il va cette fois faire le parcours entre Safa ou Al-Marwa, et ensuite il se rase ou il se coupe tous les cheveux et c'est fini. Donc en même pas une heure, une fois qu'il est un mec, en même pas une heure, il finit ça au moins. Au Hajj, ça dure un petit peu plus longtemps. Et comme je viens de le dire, donc le deuxième miqat, c'est par rapport à l'espace. Ça veut dire que quand, par exemple, quelqu'un qui va venir, qui va passer par Médine, quelqu'un qui, par exemple, qui vient du Chêne, par exemple, d'accord, qui vient de Philistine, Palestine, ou de Jordanie ou autre, et qui va passer, donc sa route passe par Médine. Une fois qu'il arrive à Médine, en sortant de Médine en direction de la Mecque, il faut qu'il s'arrête pour faire l'Ihram. S'il dépasse cette limite-là et qu'il rentre, qu'il ne s'est pas mis en Ihram, et bien il va y se mettre en Ihram, il aura dépassé la frontière. Il va quand même se mettre en ihram parce que c'est un rukn, mais il aura fait le péché de ne pas avoir fait cette obligation de faire l'ihram à la limite ou avant la limite. Car concrètement, une personne peut se mettre en ihram avant 2 km, 20 km, 200 km avant. Le mieux, c'est de le faire à la limite même. Mais on peut le faire avant. Et ce n'est pas une augmentation d'adoration que de vouloir le faire plus avant, 300 km avant. Que son adoration va être augmentée, pas du tout. La sunna, c'est de le faire, le mieux c'est de le faire au lieu exact où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ces endroits. Maintenant, il y a un problème, par exemple, à notre époque, quelqu'un qui vient d'avion, par exemple, de France, ils vont passer par la mer rouge, le Bahr al-Ahmar, la mer rouge, d'accord? Et là, il y a pas de miqat en soi-même qui a été dit précise. Donc, par précaution, il va se mettre en ihram avant de traverser ou pendant qu'il est au-dessus de la mer rouge. Fais attention parce qu'un avion va très vite et traverser la mer rouge, ça va très vite. D'accord? Donc il faut faire. Et donc il va entrer dans Al-Jazira, donc la péninsule arabique, très vite. Donc là, par précaution, quand il est normalement, il va survoler l'Égypte par exemple. Après, il y a la mer Rouge. Après, il y a le pays qu'on appelle l'Arabie Saoudite, qui est donc la péninsule, la grande la péninsule arabique. Et ben, il va pas se mettre en ihram à l'aéroport de France. C'est pas la peine. Sauf si dans l'avion, il sait qu'il va avoir du mal de se mettre en ihram, bien que concrètement, non, parce que l'ihram, comme je dis, c'est juste l'intention. Donc, il n'y a pas de problème. Pour les habits, il peut s'habiller. S'il pense qu'il aura du mal à s'habiller, à enlever tous ses vêtements qui sont cousus pour avoir que des habits qui ne sont pas cousus, si ça c'est difficile de le faire dans l'avion, et eh bien il le fait à l'aéroport. Mais il ne rentre pas en ihram encore. D'accord? Il ne rentre pas en ihram. Bien que s'il rentre en ihram, ça sera bon, son ihram sera sahi, mais le mieux c'est qu'il fasse à l'endroit du miqat exact ou, si par précaution, si comme s'il prend l'avion, de le faire un petit peu avant. Donc il rentre dans l'avion. Si par facilité, c'est le plus facile de se mettre déjà en habit de ce qu'on appelle habit de l'ihram, mais qui n'est pas l'ihram, l'habit, hein, eh bien il s'habille comme ça, mais il rentre pas encore en ihram. C'est-à-dire qu'il peut toujours se parfumer, il peut faire toujours tout ce qu'il veut, il n'est pas en état de ihram. Il monte dans l'avion part, et quand il arrive au-dessus de l'Égypte, eh bien là par précaution, parce que ça va très vite pour pas dépasser la mer Rouge, quand il voit qu'il est au-dessus de l'Égypte, eh bien là il va faire sa niya de ihram, donc là il rentre en ihram. Voilà, j'espère que je me suis fait bien comprendre pour les zamani, pour les miqat, donc les temps où là il faut faire l'ihram. Je vous rappelle les mois, c'est il faut rentrer dans une intention de faire le hajj, pas de mois dans le ramadan, mais dans le mois de qui est après, c'est Shawwal, ou dans le mois de Dhulqa'dah, ou les 10 premiers jours de mois Dhul-Hijjah, d'accord? Dans Shawwal, Dhul-Qa'dah, ou les 10 premiers jours de Al-Hijjah. On dit 10 premiers, mais si la personne veut faire Arafah, il faut qu'il les fasse au minimum le 9e jour, d'accord? Pas dans le 10e. Inch'Allah, on va rentrer dans le cours du Tawahid. Alhamdulillah. Alors, on s'était arrêté hier dans le cours du Tawahid. Bien sûr, nous sommes toujours dans cette Risala, cet épître du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qu'il a intitulé Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'Islam. Alors, il me semblait que j'avais une parole à lire. Oui, voilà, d'accord. Alhamdulillah. Donc maintenant, on va encore parler de al-'udhr bil jahl, l'excuse de l'ignorance, ce fameux problème qui intéresse beaucoup de monde. J'avais lu hier notamment une parole de Ibn Baz, comme quoi, en fin de compte, il ne mettait pas l'excuse de l'ignorance pour ceux qui font le shirk dans l'adoration, le grand shirk dans l'adoration, d'accord? Mais comme il avait dit, qu'ils sont mouchriks, que la personne qui fait ça, il est mouchrik kafir, d'accord? Et que au moment qu'il fait ça, eh bien, il est mouchrik et il est kafir, comme il a dit. Et je vais citer aussi la parole des deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, que ses deux fils s'appellent Hussein et Abdullah, qu'ils avaient détaillé qu'une personne qui est connue, je vais vous refaire vite, hein, je vais aller juste en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe, et après je vous ferai vite en français, inshallah. Donc c'est les deux fils du cheikh Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah, Hussein et Abdullah, ont dit Man mata min ahli shirk, donc il vient min ahli shirk, comme le boulou a dit le darwa, avant que cette darwa, ce prêche, donc le prêche du tawhid, lui soit parvenu. Fallavir comme alayhi, donc ce quoi on juge sur lui, donc la sentence qu'on met sur cette personne qui fait du shirk, Akbar, dans l'adoration, Anahu idekan et maroufan, bifal le shirk, voyadin ou bihi, que s'il était connu par l'acte de faire le shirk, d'accord, et qu'il faisait sa religion avec le shirk, wa matar la dalika, et qu'il est mort sur celui, fahada zahiruhu, anahu matar al kuf, et ceci donc, la chose apparente sur lui, c'est qu'il est mort sur le kuf, il a bien dit le kuf, il n'a pas dit le shirk, le kuf, c'est un mouchik et c'est un kafir. Falayuda lahu, donc on n'invoque pas pour lui, parce que le kafir, d'accord, le murtad, il est la mupostat, il est le kafir, mais on n'a pas d'invoquer pour lui. Voilà yudah lahu, et on n'égorge pas pour lui, donc on ne fait pas d'offrande en égorgeant pour lui. Voilà yutasad daku alayhi, on ne fait pas de sadaka pour lui. Ensuite il a dit amma hagatu amrihi fa ila Allah ta'ala, et donc et la réalité de son affaire, alors on la remet à Allah. Donc Allah Azza wa Jalla fera. Et nous on se base sur cette vie ici-bas, sur ce qu'on connaît, pas sur l'invisible. Ensuite il a dit, ils ont dit les deux, in kana qad qamat 'ala al-hujja, alors que si la hujja, l'argument était posé contre lui, donc si l'argument lui est parvenu, fi hayatihi, dans sa vie, wa'ana, et donc il l'a refusé, fahada kafirun fi zahir wal batin, alors celui-là il est kafirun, donc il est mécréant, dans la chose apparente, donc c'est-à-dire pour nous sur terre, les jugements qu'on lui donne, ou al batin, à l'intérieur, donc il sera en enfer éternellement. Voilà, yazabillah, d'accord. Donc, ça c'est pour sur ceci. Comme j'avais dit, j'avais fait une allusion sur ceci hier. Certains chouyour disent que une personne qui fait du shirk, grand shirk, et qui n'a que l'argument ne lui est pas parvenu, et on va détailler c'est quoi l'argument. Quand il est posé et le fait qu'il soit parvenu sur ce genre de choses, eh bien, il faut pas dire kafir, mais on dit seulement mouchrik, d'accord? Ça, c'est un avis. C'est un avis qu'on trouve de certains chouyours qui disent ça. D'autres disent non. Quand on dit mouchrik, une personne prise, on dit mouchrik, c'est automatiquement, ah non, il est kafir. Comme c'était le cas des deux fils du cheikh Mohammed Mohammed, ainsi que d'autres savants, comme on verra. D'ailleurs, on va en passer sur d'autres qui disent ceci, d'accord? Entre guillemets, je vous conseille. Il y a un cheikh en ce moment qui est dans les prisons d'Arabie Saoudite qui s'appelle cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr. Hafizahullah, naf'a bihi al-jami'a wa fakka asrah. Qu'Allah le protège et en fasse profiter la communauté et qu'il le libère. Il a écrit de très très bons livres sur l'aqida, dans la croyance, dans le tawhid. Et comme toute personne, comme tout alim, comme tout savant, sur certains points on peut être d'accord, comme on ne peut pas être d'accord, mais c'est un très grand savant, mashallah. Je vous conseille, si vous pouvez, de lire ses livres. Il y en a certains qui ont été traduits en français, ils sont très profitables, même si par exemple sur le problème du, comme je viens de dire, sur une personne qui fait du shirk, mais l'argument n'est pas parvenu, donc on dit mouché, on dit pas kafir. Là par contre, personnellement, je prends pas cet avis-là, je prends l'avis de d'autres savants. Mais ce cher, mashallah, si vous pouvez en profiter de ses écrits, allez-y. Abou Mouaz demande, pouvez-vous donner le nom des livres? Salam alaykoum, alaykoum salam. Aïe, je vois qu'Abou Mouaz commence à couper le cours. Je plaisante. Hein. Bien que. Le nom des livres, bah, vous prenez. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ces livres, vous les trouvez, vous tapez par exemple sur Google Ali ibn Khudayr al-Khudayr. Alors en français, je sais pas, parce que moi je les ai lus en arabe. Donc je sais qu'en français, il y en a eu quelques-uns qui ont été traduits. Renseignez-vous ça sur Google ou par rapport à d'autres frères ou d'autres sœurs. Sinon, normalement, pratiquement tous ces livres sont par exemple en arabe, hein, sont sur le site de, on appelle le site de Minbar Tawhid ou Al-Jihad. Mais en français, là, c'est pas moi qui. Je pourrais pas vous dire. Ouais, où ils sont. Ils sont sûrement en PDF sur Internet. Si quelqu'un les a, qu'ils les mette maintenant, ici, ou qui donne un lien sur un site ou un forum ou autre pour diriger, il n'y a pas de problème, au contraire. Barakallahu fikoum. Ah bah, allez peut-être sur Repère de Sagesse ou demandez aux frères de Repère de Sagesse. Sur le site ou sur sa page Facebook de Repère de Sagesse, lui pourra, Inch'Allah, vous répondre sur ceci. Pour les livres du cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr. D'ailleurs, Inch'Allah, qu'on aura fini ça, les petites risalas de cheikh Mohammed, j'aimerais bien lire une ou deux petites risalas aussi du cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr sur certains sujets qui peuvent être très intéressants, Inch'Allah, ce qui concerne aussi sur le takfir. D'accord? Comme ça, maintenant, on va lire. Alors, avant de lire de ce verset, je vais donc vous dire qu'il y a parmi les chouyours, parmi les ulama, certains disent que même pour le grand shirk, dans l'adoration, il y a al-ouz bil-jahl qui marche, qui est d'accord, qui est valide. Donc quelqu'un qui va faire une adoration autre qu'Allah alors que l'argument ne lui a pas été transmis, eh bien on ne fait pas de tafsir sur lui parce que l'argument n'a pas, lui a pas été posé. Certains ont cet avis, d'autres ne l'ont pas. Moi je suis, je prends la parole de que quand c'est dans une adoration claire, quand, autre qu'Allah dans l'adoration, qui est quelque chose qui est clair, donc là il n'y a pas l'excuse de l'ignorance et que l'argument il a déjà été posé. On va voir justement l'argument, le premier argument qui est peut-être aussi le plus fort. Comment peut-on dire qu'une personne qui fait du shirk sur terre, du grand shirk, qui va adorer autre qu'Allah azawajal, et alors que l'argument ne lui a pas été posé, personne ne lui a lu du Coran ou autre, d'accord, eh bien il s'est quand même un mouchek et un kafir. Sur quoi on les savants qui disent ça, sur quoi ils se basent notamment par rapport à ce verset qu'on je vais lire, enfin ces deux versets que je vais lire, inshallah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit: « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » Et lorsque Rabbuka, ton maître, donc Allah Azza wa Jalla, a pris de la descendance, donc des enfants de Adam, d'Adam, de leur dos, « ذُرِّيَّتَهُمْ » Et c'est-à-dire que, il a pris quoi donc leur descendance. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a pris toute la descendance, tous les êtres humains, il les a pris. D'accord ? Et on va lire un hadith, inshallah, qui va détailler un petit peu sur ça. Mais là, on va lire, pour l'instant, on lit le verset. Donc, Allah Azza wa Jal a déjà pris, avant donc de commencer à créer les êtres humains sur terre, il a pris tout, en fin de compte, toutes leurs âmes avant. Donc, nous tous, on a déjà été pris, mais on s'en souvient plus. Et il a fait ceci, Allah Azza wa Jal, wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum, et il a fait témoigner sur eux-mêmes, donc sur nous-mêmes, donc il nous a dit ça, alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre maître, Rabb, d'accord? Qalu, ils ont répondu, bala, bien sûr, shahidna, nous témoignons. Donc tous les êtres humains ont témoigné devant Allah Azza wa Jal que c'est Rabb, c'est le maître, d'accord? Il n'y a pas d'autre Rabb, donc il n'y a pas d'autre adoration à faire. Allah Azza wa Jal. Pourquoi ceci? An taqulu yawm al-qiyama, c'est ceci, pourquoi ceci? Donc je poursuis les deux versets. Pour ceux qui veulent le voir maintenant dans le Coran, c'est dans la sourate Al-A'raf. Sourate Al-A'raf, c'est le verset 172 et 173. An taqulu, afin que vous ne disiez pas, le jour de la résurrection, Yom al-Qiyama, inna kunna an hadha ghafilin. Certes, nous étions de ceci ghafilin, et insouciants, et donc ignorants. Vous comprenez? Allah Azza wa Jal nous a fait témoigner, wa ashhadahum ala anfusihim, il a fait témoigner sur eux-mêmes, donc c'est tous les êtres humains, nous tous, comme quoi on a attesté que c'était lui, notre Rabb, notre Seigneur, pas d'autre personne, pas d'autre Rabb. D'accord? Pourquoi il a fait ça? Afin que le jour de la résurrection, on ne puisse dire quoi? Kunna an hadha ghafilin, on était de ceci insouciant. Comme par exemple, on n'en s'en rappelait plus. Aw taqulu inna ma ashaka aba'una min qabl. Ou que l'on dise, dans le verset c'est de an taqulu, que vous dites vous, donc le jour de la résurrection, inna ma, ce n'est que nos pères qui ont fait du shirk. Inna ma ashaka aba'una min qabl, avant. Et nous étions une descendance qui venait à vrai dire, on les a suivis bêtement sans chercher à comprendre pourquoi ils adoraient autre, hein, d'accord. Bon, il y a là, c'est afin de ne pas pouvoir sortir cet argument, d'accord, cette excuse de l'ignorance. Oh, je ne savais pas, on a suivi nos parents à adorer autre que Allah, donc on ne sait pas. Et maintenant, Allah, comme il dit, afin que cette excuse-là ne profite pas le jour de la résurrection. Est-ce que tu vas, donc là les gens pourront dire, est-ce que tu vas nous détruire, donc mettre en enfer pour ce qu'on fait, ceux qui faisaient les choses les choses nulles, donc les choses notamment là, le shirk. Voilà, fin des deux versets. Donc dans ces deux versets on voit que Allah Azza wa Jal a mis l'argument déjà sur ce qui est le shirk al-akbar, d'accord? Dans l'adoration. Sur le shirk al-akbar. Et donc, on a déjà, l'argument a été posé sur tout être humain pour ceci. Voilà pourquoi, notamment, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, qui est un des célèbres exégèses du Coran, qui a un tafsir, Ahkam al-Qur'an, qui est décédé en 671 de la Hijra, 671, et il a dit dans ces deux versets, voilà udhra lil muqallid fi at-tawhid, voilà udhra lil muqallid fi at-tawhid, et il n'y a pas d'excuse pour le muqallid, c'est celui qui suit sans savoir la preuve, d'accord? At-taqlid c'est quoi? C'est waltiba ray dun ad-dalil. Donc s'il n'y a pas d'excuse pour le muqallid, c'est celui qui suit bêtement, d'accord? Celui qui suit sans savoir dans le tawhid, il n'y a pas d'excuse, d'accord? Donc celui qui suit ses parents ou autres, alors qu'il est ignorant et qu'il ne cherche pas ou quoi, eh bien il n'a pas d'excuse, comme le dit Al-Qurtubi, Rahimahullah. Et comme c'est assez explicite dans ce verset. Maintenant, je vais rechercher le hadith que je vous parlais. Alors, voilà mon petit cahier à notes. Voilà. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et Ibn Jarir tafsirhi et dans Ibn Jarir al-Tabari dans son tafsir, ainsi que Nasa'i Ibn Abi Asim wal Bayhaqi wal Hakim. Wal Hakim a dit que ce hadith était sahih, sa seule transmission était sahih, ainsi que Al-Zahabi. Et Al-Albani a dit Al-Hadith sahih bel huwa mutawatir marna. Et Al-Albani a dit ce hadith est sahih, il est authentique, mais il est mutawatir al-marna, mais son sens il est mutawatir. C'est le degré le plus haut dans le hadith, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le renier. Soit qu'il le renie, en fin de compte, il fait du coup. Si on fait, j'aimerais bien faire un jour, Inch'Allah, ouvrir un livre sur le mustal hadith, les termes techniques du hadith, afin de savoir ce que veut dire sahih exactement. Hassan, da'if, mutawatir, Mursal, Munkatir, Maktour, etc. D'accord, le Shad est aussi, c'est très intéressant. Donc ce hadith-là, je vais vous le lire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ceci. Akhadallahu tabaraka wa ta'al mithaqa. Allah azza wa jal a pris al-mithaq, donc c'est le pacte. D'accord. C'est quoi le mithaq? Idha akkada ahdan biyamin fawa mithaq. C'est un pacte qui est certifié par un jurement, donc on appelle ça al-mithaq. En français, je pense qu'on veut dire le mot pacte. Min dhahri Adam, du dos d'Adam, d'accord. Bin Arman, yani bi Arafa. Ou Arafa, d'accord. Il a fait ça quand à Arafa. Fakhraja min sulbihi kulla dhurriyatin dharaha. Fanatharahum bayna yadayhi. Il a fait sortir donc de son dos, donc du dos à Adam, toutes les descendances qu'il va avoir. Donc, nous tous, même on s'en rappelle plus, mais Allah Azza wa Jalla nous a sorti du dos de Adam, d'accord. Donc il nous a sorti, il nous a déployé devant lui, comme des petits, des toutes petites fourmis. On était tous, on a tous été mis, éparpillés par Allah Azza wa Jalla du dos de Adam. ثم كلمهم قبلا فقال. Ensuite il leur a parlé kubulan, en face, et il a dit, et là c'est le verset, alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre maître? Qalu bala shahidna, ils ont dit certes nous témoignons. Donc on a pris le pacte, on a témoigné, on a fait la shahada. Et pourquoi il a fait ça? L'argel an taqulu yawm al-qiyamah, afin que vous ne dites pas le jour de la résurrection, inna kunna an hadha ghafilin, certes nous étions de ceci ghafilin, insouciants. Aw taqulu, ou que vous ne dites pas inna ma sharaka abauna min qabl, ou que vous ne dites pas donc non, ce sont nos pères qui ont fait le shirk avant nous. Wa kunna dhurriyatan min ba'di, mais on était seulement qu'une descendance qui venait après. Voilà. Donc l'argument a été posé déjà ce jour-là sur toute l'humanité pour ce qui est du shirk al-akbar. Et là je vais citer aussi un autre hadith qui concerne cela, que l'on trouve dans le Sahih Bukhari et Muslim. Certains n'ont pas perçu en fin de compte ce qu'il inclut par rapport à ça, par rapport à ce mithaq, à ce pacte qu'on a eu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dira à l'homme du genre, parmi des gens du feu le jour de la réaction, on leur dira ça. Araita lo kana laka min ma'al al-ard min shay'a kunta muftadiyan bihi, vois-tu Si il y avait à toi tout ce qui existe sur la Terre, comme trésor et autres, d'accord? Est-ce que tu le donnerais ceci comme compensation afin de sortir de l'enfer? Krol, Fayakul, donc la personne du genre de l'enfer, donc le kafir, dira Naam, oui, bien sûr, oui. Fayakul, il lui dira à cette personne des gens de l'enfer. Kod arattu minka, certes, j'ai voulu de toi. Et là, c'est Allah qui parle. J'ai voulu de quoi? Ahwana min dhaki, quelque chose de plus simple que ceci, et que tu donnes tout ce qu'il y a sur la terre. Kod akhastu alayka fi dhahri Adam an la tushrika bi shay'an fa bayta illa an tushrika bi. J'ai certes pris sur toi dans le dos de Adam, fi dhahri Adam, an la tushrika bi shay'an. Est-ce que tu ne m'associes rien? An la tushrika bi shay'an. Est-ce que tu ne m'associes rien? Fa abayta, et tu as refusé illa an tushrika bi, sauf à associer d'autres à moi. D'accord? Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed, il est aussi rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc même dans le Bukhari et Muslim, on trouve comme quoi le pacte, d'accord, a été pris alors qu'on n'a pas été envoyé dans les corps sur terre, mais comme ça a été dit clairement, que nos âmes ont été prises dans nos esprits ont été pris dans le dos de Adam, et Allah Azzawajal a pris ce pacte sur nous, qu'on reconnaisse que c'est le Rab, et comme c'est dans le hadith ici, Sahih, comme quoi on ne fasse pas, ça implique quoi? Qu'on ne fasse pas de shirk dans l'adoration Akbar. Donc l'argument a été déjà posé bien avant. Il n'y a pas d'excuse de l'ignorance, comme on l'a compris dans les deux versets. Wallahu a'lam. Voilà. Sinon, parlons encore, je vais citer un peu plus tard, d'une parole notamment de Sanarni, comme quoi il n'y a pas le ouzb bil-jahr de l'ignorance pour. On dit kafir, on dit pas seulement mouchik, on dit aussi kafir pour ceux qui font du shirk akbar dans l'adoration, même si l'argument n'a pas été posé. Et l'argument, comment on pose l'argument dans le shirk akbar, c'est, comme on va le voir, Inch'Allah, c'est notamment quand l'argument est parvenu, même si la personne ne veut pas l'écouter. 21h34. Là, j'ai fini sur ce sujet. Là, on va rentrer dans un autre sujet. Et là, il va. Bon. On va parler. Je vais citer une parole de l'imam al-Nawawi, rahmoullah, et après d'autres paroles sur un autre sujet. C'est par rapport à quoi ce qu'on juge les gens, par rapport à quoi sur terre. Donc, par les choses apparentes et non pas par ce qu'il y a dans leur cœur. C'est Allah Azzawajal qui sait ce qu'il y a dans leur cœur. Je vais juste lire la parole de l'imam al-Nawawi, rahmoullah. Donc, al-Nawawi, rahmoullah, a dit dans son livre Ar-Rawda. Ar-Rawda, c'est un livre de fiqh. D'accord, il a Rauda. Et dans le chapitre de Ar-Ridda, de Ar-Ridda l'apostasie. Car dans tout livre de fiqh, dans tous les mazahib, dans toutes les écoles, il y a le chapitre, quand en ce moment on fait dans le fiqh, le chapitre du Hajj, il y a aussi le chapitre du mariage, le chapitre d'Ar-Ridda de l'apostasie. D'accord? Et qu'il est très intéressant, même important, de le lire. Parce que chaque musulman et musulmane sache que c'est obligatoire de faire le Hajj. Donc, on étudie le Hajj, le Siyam, etc. Mais c'est interdit, par exemple, de boire d'alcool. Donc, on lit dans le livre de Fiqh que ça comme quoi c'est interdit de boire de l'alcool et sa peine. Et aussi, c'est interdit, même beaucoup plus que de boire d'alcool, de faire Ar-Ridda l'apostasie, car ça, c'est devenir mécréant, donc d'être en enfer éternellement. Et on va le lire, Inch'Allah, quand sur notre livre qu'on est en train de faire en ce moment, de Mukhtar Abu Shuja, Rahimahullah. Maintenant, on va lire ce qu'a dit l'imam al-Nawawi, Rahimahullah, qui était Shafiri. Dans le chapitre de Ar-Ridda l'apostasie. Il a dit cela. Donc là, il va commencer à donner la définition de Ar-Ridda. C'est quoi Ar-Ridda l'apostasie? Wahiya qat'u l'islam, et c'est le fait de couper l'islam, c'est-à-dire de sortir de l'islam. D'accord? Ar-Ridda, c'est el kufr, on dit d'une autre manière, on dit wal kufr ba'd al-islam, c'est la mécréance après avoir eu l'islam. D'accord? Wayahsulu dhalika, et ceci se produit. Ah, quand est-ce que se produit Ar-Ridda? L'apostasie. Quand est-ce que se produit Ar-Ridda? Est-ce que l'imam Nawawi va dire que ça se produit seulement par la croyance et pas autre chose? D'accord? On va voir. Une fois, bilkaul, par la parole, alladhi huwa kufrun wa taratan bilfir, qui est donc par une parole qui va être une mécréance, wa taratan bilfir, et une autre fois par alfir, par l'acte. Point. Donc là, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit que Ar-Ridda, l'apostasie, se produit une fois par la parole et peut se produire aussi par l'acte. Point. Mais où a-t-il mis à l'articod la croyance, ou échec et le doute? C'est ça que je vous disais depuis plusieurs jours, sur ça, ça va venir. Et pourquoi des fois je dis que la redda, on le fait par la parole et l'acte, et je ne dis pas autre chose. Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas cité Aliyartikod. Et bien en fin de compte, c'est très simple. Comme ça va venir, comme je dis, parce que là on va étudier en fin de compte, on juge les gens par rapport aux choses apparentes. On ne peut pas rentrer dans leur cœur. Or, c'est quoi Aliyartikod? C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Est-ce qu'on a la possibilité de prendre un couteau d'ouvrir la poitrine pour s'y voir ce qu'il y a dans le cœur des gens? On ne peut pas. Donc, en fin de compte, Ridda, l'apostasie que l'on va mettre sur un individu, nous, on va pouvoir le faire seulement par une parole qui sort de sa bouche ou un acte qui émane de son corps. Et non pas par son cœur, parce que nous, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans son cœur. C'est Allah Azzawajal qui sait ce qu'il y a dans son cœur. Nous, on ne sait pas. Pareil pour le doute. Certes, quand il va parler, il pourra parler de sa croyance. Mais on va le juger par rapport à ce que sa langue dit. Pas par rapport à ce qu'il y a véritablement dans son cœur. On ne peut pas. D'accord? C'est pour ça que l'imam Nawawi, Rahimahullah et d'autres savants disent bien ça, qu'en fin de compte, Ridda, on peut appliquer le Ridda, l'apostasie sur une personne, que par deux choses. Par une parole qui émane de lui ou un acte. Pas par rapport à son cœur. Maintenant, il y a une chose à savoir. Une personne, d'accord, un individu, peut faire donc un takfir sur lui-même par rapport au cœur, parce que lui, il sait ce qu'il y a dans son cœur. D'accord? Donc, si c'était à tout le monde, qui fait croire à tout le monde qu'il est musulman, eh bien, tous les musulmans vont dire que lui-même, c'est un musulman. Et si il le sait qu'en fin de compte, c'est un mécréant, par exemple, c'est un athée, mais il ne veut pas le faire découvrir, il ne croit pas en Allah, ni au jour de la résurrection, ni à rien. Il ne l'a jamais dit à personne. Pour tout le reste, cette personne-là est un musulman. On ne peut pas rentrer dans son cœur. D'accord? Mais cette personne-là, lui, sait sa croyance, son iartikod. Donc lui, en fin de compte, il sait qu'il fait, que c'est un murtad. D'accord? C'est un apostat. C'est un mécréant. Mais pour l'ensemble, le reste des musulmans, non, ce n'est pas un apostat, parce qu'on ne peut pas savoir. Donc, comment on fait un takfir sur une personne? Quand est-ce qu'on fait à partir d'un takfir sur un individu? D'accord? Autre que sur nous-mêmes, parce que nous, on peut savoir ce qu'il y a dans notre cœur, mais dans le cœur des gens. Eh bien, seulement par une parole qu'il va dire, ou un acte qu'il va faire, pas autre chose. S'il va dire une parole comme quoi maintenant il ne croit plus, donc son irtikad, c'est le fait que Mohammed n'est pas prophète, etc. Donc là, on va faire un takfir. Entre guillemets, c'est l'irtikad, mais cet irtikad est venu par une parole. D'accord? Pareil pour Al-Istihaza, le fait de se moquer. On va faire un takfir par rapport à cette parole-là. Comme je l'ai marqué ici, وَهُنَا لَمْ يَذْكُرِ الْاِعْتِقَادِ. Donc ici, l'imam Nawawi, rahmoullah, n'a pas cité l'اعتقاد, la croyance. لِأَنَّهُ أَمْلٌ غَائِبٌ. Parce que c'est une affaire qui est غَائِبٌ, qui est invisible par rapport à nous. On ne peut pas savoir ce qui est dans son cœur. فَلَيْسَ لَنَا إِلَى الظَّهِرِ. Donc nous, on n'a seulement que quoi? الظَّهِرِ, l'aspect apparence. Que les gens nous laissent apparaître par rapport à leurs paroles et par rapport à leurs actes. وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ. Et Allah, lui, s'occupe des choses cachées. D'accord? Ça veut dire que cette personne-là, toute sa vie, et jusqu'à ce qu'il va mourir, il va faire la shahada, il meurt en laissant croire à tout le monde qu'il est musulman. Il n'a jamais dit à personne, d'accord? Quand il va mourir, il ira en enfer. Parce que Allah Azzawajal, lui, il sait ce qu'il y a dans son cœur. Mais il sait mieux que le possesseur du cœur ce qu'il y a dans son cœur. Et là, je vais citer une autre parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullah, qui n'est pas dans son livre Al-Rawda, mais dans son livre qui est Sharh al-Muslim, l'explication du Sahih Muslim. Dans le hadith 96, il a dit ceci. Fihi, dans lui, et dans ce hadith-là. Dalilun, il y a une preuve. L'kariyatil ma'roufa, pour la règle qui est connue. Fil fiqh wal usul, qui est connue, donc c'est la règle qui est connue dans le fiqh, et dans l'usul, c'est-à-dire dans usul le fiqh. Dans l'usul le fiqh, d'accord? C'est quoi cette règle? An al-ahkama yu'malu fiha bi-dhawahir, wallahu yatawalla sara'ir. C'est quoi? C'est que les lois, les jugements, sur les personnes notamment, on agit avec elles par rapport au zawahir, c'est le pluriel de zahir, zawahir, pluriel de zahir, par les choses apparentes, d'accord, qui nous apparaissent, donc c'est par rapport à leur parole, comme l'avait dit avant, parole ou acte. Wallahu yatawalla as-sara'ir. Et Allah, lui, s'occupe, d'accord, de quoi? Des sarir, des choses qui sont cachées. Le hadith qui est, si je me rappelle bien, le hadith 96, c'est le hadith où, qui est assez connu, où un sahabi qui était au djihad, armé bien sûr, durant la bataille, il combattait contre un mouchrik kafir, donc un initiateur mécréant, et à un moment donné, il allait le tuer, donner le coup d'épée fatale. Et à ce moment-là, la personne est devenue musulman, il a dit la ilaha illallah. D'accord? Il a dit la ilaha illallah, donc il est devenu musulman. Et là, le sahabi, il a eu un temps d'arrêt, et après, en fin de compte, il a tué. Et ceci est parvenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a convoqué, et lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Alors qu'il a dit la ilaha illallah, il a dit, mais il a dit ça par peur de l'épée, c'est afin que je ne tue pas, parce que comme ça, comme il devient musulman, je peux plus le tuer. C'est pour ça qu'il a dit la ilaha illallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, mais est-ce que tu as ouvert son cœur pour savoir si c'était pour ça ou pas? Et il l'a fortement blâmé jusqu'à ce que ce sahabi ait espéré qu'il soit converti ce jour-là et pas avant, vu l'immense chose qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a tué en fin de compte une personne qui était rentrée dans l'islam. Ça veut dire quoi de ce hadith? Que nous, on n'a pas à savoir, on n'a pas à chercher à savoir ce qu'il y a dans les cœurs des gens, mais on se base sur leurs paroles et sur leurs actes. D'accord? Que ça soit dans un cas ou l'inverse. C'est-à-dire qu'une personne qui se dit musulmane, on n'a pas à savoir si oui ou non, en fin de compte, dans son cœur, il n'y est pas ou autre, on n'a pas les moyens. On ne peut que se baser par rapport à ses paroles et ses actes. Et inversement, quelqu'un qui est kafir, mais qu'on aimerait bien qu'il soit musulman, ben non. Quelqu'un qui est kafir, il est kafir, et c'est pas à nous de dire enfin, le contraire. Maintenant, je vais citer une parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife de l'islam. Donc, dans le deuxième meilleur être humain de la communauté de Mohammed, après Abou Bakr, et bien sûr après le prophète, ça fait partie de la Aqida. Il a dit ceci. Et certes, la révélation, il a dit ceci alors que le prophète était décédé. Donc Omar a dit ceci. Et certes, la révélation a stoppé, a cessé. Donc la révélation ne descendait plus. Et nous, maintenant, nous vous prenons seulement par ceci. Innama, je vous rappelle en arabe, c'est innama, c'est ce qu'on appelle adatu hasr. C'est un élément de restriction. C'est-à-dire, ce n'est ceci et pas autre chose. Donc il dit innama. Et maintenant, nous vous prenons que par quoi? Bima zahara lana min a'malikum, de ce qui apparaît de vous parmi vos actes. D'accord? Donc on vous juge par zahir, ça se passe par an. On peut pas, la révélation n'est plus là pour dire que celui-là, en fin de compte, dans son cœur, il est comme ci ou comme ça. Ensuite, il dit Faman azhara lana khayran aminnahu wa karabnahu wa laysa ilayna min sarati shay. Et celui parmi vous qui fait apparaître à nous, Avahar, fait apparaître à nous un bien, Aminnahu, donc lui, on lui donne la sécurité. Wakaramnahu, et on le rapproche. Et on n'a rien de son secret, c'est-à-dire de ce qui cache dans son cœur, quelque chose, on n'a rien. Allahu yuhasibuhu ala sari, fi sariratihi. Allah le yuhasibuhu, donc lui demandera des comptes sur ce qu'il y a en secret, donc dans ce qu'il y a dans son cœur. Ensuite, il dit وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا, et celui qui fait apparaître à nous un mal, لَمْ نَأْمَنْهُ, alors on ne lui donne pas la sûreté, وَلَمْ نُصَدِّقُهُ, et on ne dit pas qu'il est véridique, وَإِنْ قَالَ, et même s'il dit إِنَّ سِعْرَيْرَتَهُ حَسَنًا, même s'il dit que son fort intérieur, donc ce qu'il cache, en fin de compte, il est bon. Eh bien non, quelqu'un qui dit oui, j'ai fait ça, mais moi à l'intérieur, je suis bien et tout ça, on ne tient pas en compte de cela. On se tient en compte de son acte qu'il a fait. Cette parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est rapportée par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, et c'est au numéro 2298. Voilà, j'ai fini ici, et demain, Inch'Allah, on prendra par autre chose, sur autre chose. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions sur le cours Tafad Dalou, allez-y. Comme ça, on peut D'accord. Alors, comme on a vu, pour ce qui est par exemple des deux fils du cheikh Mohamed Wahhab, eux, ils disent bien que celui qui a reçu l'argumentation durant sa vie et qui continue à faire le shirk, Akbar, eh bien, on dit qu'il est kafir sur terre comme s'il était ignorant, mais en plus, on dit que c'est aussi un kafir dans l'au-delà, ce qui implique donc qu'il ira en enfer éternellement. D'accord? Je vais essayer de retrouver un autre hadith, Inch'Allah, de le lire, sinon je vais vous dire son sens, qui est assez connu. C'est un hadith qui a été authentifié notamment par Al-Albani, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, authentifié par Al-Albani, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à une personne qui venait de se convertir que si il passe par une tombe d'un mouchrik, alors qu'il lui dise Ubashiruka bin nar, je te fais la bonne annonce du feu. D'accord? Je te fais la bonne annonce du feu. Ça implique quoi ce hadith? Ça implique que quand on passe devant la tombe d'un mouchrik, d'un kafir, d'un mécréant, un mouchrik, la sunna c'est de lui dire à cette tombe, Ubashiruka bin nar, je te fais l'annonce, la bonne annonce entre guillemets de bonne, hein, du feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit que cette personne qui est dans cette tombe, eh bien elle est en enfer. Or, il peut y avoir plusieurs choses. Ça se trouve, cette personne s'était convertie, d'accord, mais que sa famille n'aimait pas sa conversion, et quand il est mort, ils ont absolument voulu le rentrer dans leur religion, alors bien après sa mort, donc ça ne compte pas, ils l'ont enterré suivant leur rite de couf, et en fin de compte, il s'est retrouvé dans une tombe de couf, mais lui, il est musulman. Et pourtant, quand on passe dans cette tombe, nous, on ne sait pas. On se base sur ce qui est apparent. Ce qui implique que le fait de jurer par Allah qu'un tel ira en enfer et que si c'est pas vrai et que ce n'est pas moi, et ben moi je vais en enfer, c'est une chose qu'il demandait à ne pas faire. D'accord? Et là, il y a une subtilité à comprendre. Pour des personnes qui sont citées dans le Coran comme Abu Lahab ou Firaoun, là, c'est dans l'Aqidah, il est interdit aux musulmans de douter que ces personnes-là sont en enfer. S'ils doutent, eh bien, il est lui-même un kafir, parce qu'en fin de compte, il doute de la véracité d'Allah Azzawajal. C'est clair? Il doute de la véracité d'Allah Azzawajal. Donc, si une personne qui est citée par Allah ou par le prophète, c'est un hadith qui est authentique, qu'une personne, un tel, est en enfer, il nous est interdit de dire non, voire même de douter, parce que ça revient à douter de la révélation. Voilà, yazoubillah, ça c'est du kufr. Pour toutes les autres personnes, nous, on se base sur les choses apparentes. S'il est mort sur le shirk et le kufr, et qu'on sait qu'il est mort sur le shirk et le kufr, on dit, lui, il est en enfer éternel. Maintenant, il y a cette subtilité. Est-ce qu'on peut absolument dire, jurer, comme quoi que cette personne précise est en enfer, et que en aucune manière, rien ne nous a échappé de son affaire à lui, d'accord, et qu'on sait qu'il est en enfer, et bien ça, il demandait à ne pas le faire, à aller jusqu'à ce stade-là. On dit, cette personne-là est en enfer, point. D'accord? Et on va pas plus loin. Et c'est comme ça qu'on regroupe tous les hadiths, notamment le hadith où quand on passe devant une tombe d'un mouchrik, n'importe quel mouchrik, eh bien on lui fait l'annonce de l'enfer. Et comme je dis, ça se trouve, cette personne-là était enterrée, alors qu'en fin de compte, c'était un converti, mais comme je dis, sa famille a pris le dessus après sa mort, et ils lui ont fait un enterrement de kufr. Mais cette personne est toujours musulmane, ou autre. Alors, Abu Mourad dit Assalamu alaikum. Donc, wa alaikum salam. Mais il me semble qu'Abu Mourad nous a déjà donné le salam. Mais on ne se lasse pas quand Abu Mourad nous donne le salam. Barakallahu fik ya Abu Mourad. Il pose cette question. J'ai une question sur le tawhid et sur les annulatifs, mais je ne sais pas trop si ça vient au cours. Est-ce que les gouverneurs qui n'appliquent pas la charia, mais qui se disent musulmans, sont mécréants, sachant que l'on ne connaît pas les cœurs? C'est une très bonne question. Mais elle ne convient pas au cours, et il y aura un cours, il y a un ou deux annulatifs d'ailleurs qui parlent de ça, donc on ira et je répondrai Inch'Allah quand ça viendra pour ceci, d'accord? Et notamment quand on va étudier la risala du cheikh Mohamed Wahhab, le sens du tarout et ses têtes, d'accord? On va, c'est pas, Inch'Allah ça va venir cette réponse, mais pas maintenant. En plus, ça prendra du temps là, avec tous les arguments, ça, non. Je peux pas. Et il y a un cours ou plusieurs cours qui va venir sur ce sujet. Bien sûr, je. Bon. Wafik barakallah. Wafik barakallah. J'espère que vous avez compris le comportement qu'il faut avoir, notamment dans les divergences. Donc, dans les divergences de fiqh, normalement, il n'y a pas de problème quand on diverge dans le fiqh, quand on sait que l'autre il n'a pas le même avis que nous sur certains trucs de fiqh, il n'y a pas de haine à avoir entre musulmans ou d'attiser une haine ou de faire pression sur l'autre, etc. Sachez que même dans l'aqida, il y a certaines divergences plus ou moins profondes, d'accord? Et que là aussi, il demandait, je ne parle pas des divergences des gens de la bid'a, qui est le plus haut de bid'a, donc des innovations, de l'innovation, tels que pour le Khawarij, qui font le takfir de Othman, de Ali, de Muawiyah, donc de beaucoup de sahaba, et encore pire, Rafida, qui font le takfir de tous les sahaba, sauf environ une dizaine, avec d'autres croyances qui touchent plus ou moins la mécréance. Mais des divergences que peut avoir des gens de la sunna dans certaines choses dans la aqidah et de faire attention car la aqidah et notamment le tawhid nous touche tous, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur et c'est tout à fait normal parce que c'est la base de l'islam, le tawhid, c'est l'islam même le tawhid. Mais faire attention que quand il y a certaines divergences entre les gens de la sunna, d'en faire une haine entre les gens de la sunna. De diviser la communauté sur ça, et sur ceci, je vais réciter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je trouve très important, où il a dit ceci: Al-barda'u hiya al-haliqa. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci: Al-barda'u hiya al-haliqa. Al-barda, c'est quoi? C'est la haine qu'on a dans le cœur, d'accord? Ou al-adawa, c'est ce qu'on va transformer cette haine par rapport au corps, comme on a déjà vu, notamment dans Wal-Wadbala. Donc là, il parle bien d'abord du cœur. La haine, c'est celle qui rase. Al-Halika, c'est le fait de halq, de raser. Quand on rase une chose, il n'y a plus la chose. Quand on diminue, quand on coupe une part, mais je me coupe les cheveux, il reste des cheveux. Mais quand je rase mes cheveux, il n'y a plus rien sur la tête. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. Donc le prophète, ça m'a dit. La haine, il faut comprendre la haine des musulmans contre les musulmans, la haine qu'il y a entre les musulmans. C'est celle qui rase. Et ensuite, il a dit ça. Il a dit ceci. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux. Mais elle rase la religion. Elle rase la religion. La haine qu'ont les musulmans entre eux, c'est ça qui rase la religion. Et quand on rase quelque chose, il n'y a plus, donc il n'y a plus de religion. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, wa hasanahu al-Albani. Al-Albani a dit qu'il était Hassan, qu'il était bon. Je vous le répète. Al-barda'u hiya al-haliqa. La haine est celle qui rase. La akul tahliku shar. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux. Mais elle rase la religion. Donc faut faire très attention, mes frères, à cette haine entre nous qui rase la religion. Quand on a une haine contre un musulman, bien sûr certains vont dire, ouais, mais la mienne, elle est légiférée par société, etc. Sachez que c'est ça qui va notamment raser la religion. Donc comment des gens qui veulent mettre la religion, remettre la religion de nouveau et tout ça, vont ne pas faire attention et vont semer la haine entre les musulmans. Ils font des actions pour remettre bien la religion et en même temps ils font des actions qui rasent la religion. Il faut faire très attention à ceci. Et le shaitan, comme c'est dans le hadith rapporté par Muslim, a dit cela, et dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, Inna shaitan qad ayyasa an yu'badahu al-musallun fi jazirat al-arab. Le shaitan, le Satan, l'Iblis, code Aïssa. Aïssa veut dire qu'il a été, on ne veut pas dire dégoûté, mais là il a été, quand il n'espère plus. Il y a, c'est-à-dire, j'ai oublié le verbe en français, le fait de ne plus espérer. Je vais dire comme ça par son contraire. Donc le shaitan n'espère plus. Voilà, désespéré, a désespéré. Alors qu'il n'espère plus, le shaitan a désespéré à ce que ceux qui prient dans la péninsule arabique l'adore. Donc le shaitan, il a désespéré de en fin de compte que les prieurs, donc les musulmans, les mouahidoun de la péninsule arabique, d'accord, ça c'était à l'époque du prophète, donc maintenant on peut élargir tout, enfin contre tous les musulmans entre guillemets, bien que, à ce qu'ils l'adorent, d'accord, donc à ce qu'ils fassent du shirk akbar. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'arrête pas de faire quoi? Le tahrish. C'est quoi le tahrish? C'est al-ifsad. C'est de faire, donc, mettre le façade entre eux. Le shaitan, quand il voit qu'il ne peut pas égarer le musulman en le faisant faire du shirk, il dit, lui, j'y arrive pas à le faire sortir de l'islam en faisant du shirk, Akbar, il va faire quoi sur cet individu? Eh bien, il va s'acharner sur lui afin de mettre la zizanie entre lui et ses autres frères musulmans. Ça, c'est dans Sahih Muslim. D'accord? Donc, faire très attention, que les mouahidoun fassent très attention à cette haine. Et le shaitan pousse à ça, aux mouahidoun, s'il voit qu'il n'arrive pas à les faire sortir de l'islam en faisant faire du shirk, eh bien, qu'est-ce qu'il fait après? Il veut absolument, donc, parce que le shaitan le sait que ça reste la reste de la religion, la haine entre les musulmans, eh bien, les mouahidoun, il va mettre la haine entre les mouahidoun, et ça, il faut toujours combattre ça, toujours le remettre ici, faire attention, notamment quand on étudie le tawhid, qu'il y a des certaines divergences ou autres, ne pas ouvrir cette porte au shaitan, de mettre la haine entre nous, barakallahu fikoum. Wallahu a'lam. Alaykoum salam wa barakatou. Donc ça c'est un conseil comme on dit que je donne à moi-même et ensuite à vous. Si vous avez des questions sur le cours qu'on a fait, sinon on va arrêter là inshallah et on reprendra demain, bismillah. Apparemment il n'y a pas de questions. Donc ben, je vous remercie tous. Ah non, Oussama. Oumoussama 59 me pose une question, oui. Donc j'attends. Alors cette question, c'est une bonne question, mais qui ne se pose pas. Hein. La question, c'est est-ce que vous êtes de la bonne Aqida? Alors, allez voir des soufis, allez voir des rafidis, des khawarij, des murji, de ce qui vous voulez. Et dites-leur comme ça, est-ce que vous êtes de la bonne Aqidah? Mais allez voir même des chrétiens. Allez voir des chrétiens, dites, est-ce que vous êtes de la bonne croyance? Et bien, ils vont répondre oui. Donc, moi, je vous réponds oui. D'accord. Vous comprenez pourquoi cette question, je vous réponds oui. Mais allez voir n'importe quelle personne, n'importe quelle religion, même dans la religion du coup, vous lui demandez, est-ce que vous êtes de la bonne Aqidah, de la bonne croyance? Ils vont dire oui. Sinon, il ne sera pas. Mais Yarni, ah, mais ça dit, qui suivez vous comme Choujour? Ah, d'accord. Et bien, si vous entendez mes cours, vous l'apprendrez. D'accord? Donc, le premier avant tout que je suis, c'est le prophète Mohammed. Comme je dis ensuite, et ben tous les Sahaba sans exception. Ensuite, les quatre imams les quatre écoles, d'accord? Comme Ibn Taymiyyah aussi, ainsi que le cher Mohammed Rahimahullah, et d'autres savants que je cite suivant mes cours. Donc, si vous suivez les cours, et bien vous aurez la réponse, Inch'Allah. Et je demande à Allah de me guider vers le plus juste. Voilà. Voyac. Donc apparemment il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah. Donc on se retrouve demain, bi'iznillah. Je vous remercie tous de votre présence. Barakallahu fikum. Ah, j'ai pas lu Abu Arma, a dit c'est un salafi. Oui, mais après, le problème c'est que le mot salafi fera bien d'ailleurs enfin, un petit cours, une petite parole sur ça. Après Abu Amr a dit, mais un vrai lol, pas un talafi. Ouais, bon. Le mot salafi maintenant, le problème c'est qu'il est utilisé un peu par tout le monde maintenant se dit plus ou moins salafi, donc ça veut maintenant, en fin de compte, ça veut plus ou moins rien dire de dire salafi, parce qu'en fin de compte, il faut bien définir exactement lequel cheikh exact. On en parlera un peu plus tard de ce problème-là, de cette appellation. Inch'Allah. Barakallahu fikoum et je vous dis à demain, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.